الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد. Avant de poursuivre le cours, une correction sur le nom d'une personne mentionnée dans le cours de la semaine passée. Lors du Mada, de la mention du hadith de Jabir, qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari, lorsque les compagnons se sont arrêtés et ils se sont dispersés pour se reposer, un homme s'est saisi de l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par la suite, le prophète alayhi salat wa sallam, par la grâce d'Allah, l'a désarmé. Et il fut dit que son nom est Rawrath ibn al-Harith. Et lorsque j'ai épelé son nom, j'ai dit Aïn waw ra tha. Et ça n'est pas un Aïn, mais plutôt un Roïn. Ça n'est pas un Aïn, mais plutôt un Roïn. Donc c'est une erreur. C'est pour ceux qui ont noté le nom, vous le corrigez. Barakallahu fikum. Donc la semaine passée, nous avons vu Razwata Dhati Riqa'a. Naam. Qu'a eu pour cause le complot d'une tribu du côté de Bani Ratafan qui se préparait à attaquer le prophète alayhi salat wa salam. Lorsqu'il a su cela, il a levé une armée et s'est dirigé à leur rencontre. Et il n'y a pas eu de combat et chacun a yani, tenté d'effrayer l'autre groupe. Ce soir, bi'idhnillahi azza wa jal, nous allons parler des lettres qu'a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux différents gouverneurs, aux différents rois et empereurs, que ce soit dans la péninsule arabique ou que ce soit Mada à l'extérieur. Car après Sulh al-Hudaybiyah, il y a eu donc un pacte de non-agression. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu saisir cette occasion pour propager la da'wah, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et le monothéisme sur la terre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci est la mission première des messagers, puis de ceux qui les suivent avec excellence. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et on a envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « N'adorez qu'Allah et éloignez-vous de ceux qui adorent en dehors de lui. » وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُوا. Et nous n'avons pas envoyé avant toi de messager si ce n'est en lui révélant « Nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est moi. » Adorez-moi donc. Et le prophète alayhi salatu wassalam, son prêche n'est pas restreint aux Arabes. Son prêche n'est pas restreint à sa tribu. Mais c'est un prêche qui est universel. Et il n'est même pas restreint à l'espèce humaine. Naam. Mais plus encore, jusqu'à atteindre al-jinn. Allah dit dans le Coran, وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Dis, ô vous les gens, je suis le messager d'Allah qui a été envoyé à l'ensemble. Le prophète, alayhi salatu wassalam, sa da'wa, son prêche, il est universel. Il touche l'ensemble des gens, que ce soit les Arabes, que ce soit les Africains, que ce soit les non-Arabes, et ainsi de suite. Naam. Allah nous dit également وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Et ceci fait partie des spécificités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est qu'avant lui, les messagers étaient envoyés tout particulièrement à leur peuple. Quant à lui, il a été envoyé à l'ensemble des gens. Ça fait partie de ses spécificités sallallahu alayhi wa sallam. Donc, suite à différentes batailles suite à Sulh al-Hudaybiyah, les musulmans, la communauté musulmane a eu une part considérable, une élévation par la grâce d'Allah Azza wa Jal qui se fit savoir dans les différentes puissances de l'époque. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à envoyer des lettres aux différents rois dans différentes régions du monde. Il envoyait les messagers, donc ses compagnons, il les envoyait avec un écrit et il invitait ses gouverneurs à l'islam. Il invitait ses gouverneurs à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, à se soumettre à lui et à reconnaître sa prophétie sallallahu alayhi wa sallam. Et cela à partir de l'an 6. Il a écrit par exemple à An-Najash. Il a écrit également à Qaysar. Qui est Qaysar? C'est le laqab, le surnom qu'on attribue à celui qui gouverne quel endroit? Ar-Rum. Naam, Qaysar, c'est l'empereur des l'empereur de Rome, l'empereur des Romains. Naam. Il a également écrit à Kisra. C'est le titre qu'on attribue à qui? Al-Furs. Naam, l'empereur des Perses, le gouverneur des Perses. Il a écrit également à Muqawqis. D'autres disent Muqawqas. C'est le titre qu'on attribue à qui? Naam. Ala Malik al-Iskandiriya. Naam. Celui qui était à la tête des Coptes. Naam. Celui qui était à la tête des Coptes dans une partie de l'Égypte. Il y a différents hadiths. Certains sont authentiques, d'autres ne le sont pas. Et certains savants ont même réunis dans ce sujet. Ils ont écrit en réunissant les différentes lettres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on précise ici, une personne pourrait se dire, mais le prophète alayhi salatu wa sallam était ummi, il était illettré, n'est-ce pas? Il n'écrivait pas, il ne savait pas lire. Mais il dictait, et ceux qui parmi sahaba savaient lire, ses scribes le notaient. Naam, ses scribes le notaient. Un point particulier, lorsqu'il a voulu écrire à Kisra et Qaysar, les sahaba radiallahu anhum lui ont dit à Rasulallah, ces derniers n'acceptent pas les lettres, sauf si elles sont poinçonnées, elles sont signées. Alors ils lui ont dit de prendre un outil avec lequel il allait pouvoir signer ses écrits. C'est alors qu'il a pris une bague en argent pour pouvoir signer ses lettres et qu'on puisse reconnaître l'authenticité de ses écrits. Naam. Ainsi, on n'allait pas pouvoir usurper son identité, sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc pris une bague en argent. Et il a fait graver dessus, Muhammad Rasul Allah. Muhammadun Rasulullah. Sur la première ligne, donc vers le haut, Allah. Sur la seconde, Rasoul, et sur la troisième, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc mis le nom d'Allah en haut, et il a mis son nom en dessous. Naam. Et de là, tu vois l'erreur commise. Déjà, ça n'est pas une chose recommandée, ni une chose à faire, que d'écrire, naam, dans tes cadres, et de décorer la maison avec, ou de décorer les mosquées avec. Ils y inscrivent par exemple des versets du Coran. Naam. Ils y inscrivent par exemple des noms d'Allah. Ils y inscrivent par exemple Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'est pas en accrochant cela chez soi qu'on se protège, ni en accrochant cela chez soi qu'on se rapproche d'Allah Azza wa Jal. Non. Mais c'est en ayant cela comme aqidah, comme croyance, en vivant cela, en faisant ce dhikr, en priant sur le prophète alayhi salatu wassalam, en lisant le Coran. Quant à celui qui veut se protéger, ça n'est pas en accrochant, naam, des choses ni même le Coran, mais plutôt en cherchant refuge auprès d'Allah, en demandant la protection d'Allah, en lisant le Coran, en se faisant ruqya, et ainsi de suite. Quant au fait d'accrocher sur les murs de la maison ou la porte d'entrée, quant au fait de suspendre autour de son cou ou dans la voiture, tout cela ne fait pas partie de la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Bien au contraire, le prophète alayhi salatu wassalam nous enjoint à ne pas faire cela. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a pris cette bague pour pouvoir signer ses écrits. Cette bague est restée auprès de lui et il a dit aux compagnons de ne pas faire la même chose, de ne pas imiter cette bague. À son décès, qui est-ce qui a pris cette bague? Abu Bakr radiallahu anhu. Abu Bakr a eu cette bague par la suite. Au décès de Abu Bakr, qui est-ce qui a eu cette bague? Omar radiallahu anhu. Naam. Au décès de Omar ibn Khattab radiallahu anhu, qui a eu cette bague? Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Taïb, au décès de Uthman, qui a eu cette bague? Ali? Non, parce que Uthman radiallahu anhu, ça c'est une question piège. Uthman radiallahu anhu a fait tomber cette bague dans un puits. Uthman radiallahu anhu a fait tomber cette bague dans un puits. Ils l'ont cherché, mais ils ne l'ont jamais retrouvé. Et pourquoi est-ce qu'ils ont gardé cette bague? Pourquoi est-ce qu'Abu Bakr portait cette bague? Pourquoi est-ce que Omar puis Uthman? Tabarrukan. Pour chercher le baraka. Naam. Parce que une des particularités du prophète alayhi salatu wassalam, et ça c'est un point important qui a trait à la croyance, une des particularités du prophète alayhi salatu wassalam, c'est que sa baraka, elle est dhatiya également. Il a une bénédiction d'essence qu'Allah azza wa jalla lui a accordée. Ainsi, sahaba a recherché la baraka à travers les choses émanant de lui. Comme quoi? Ses cheveux, sa transpiration, fadl al-wudu, le reste de l'wudu, na'am, ses crachats et autres. Est-ce que c'est compris? Et aussi, les choses qui ont touché sa peau, na'am, les choses qui l'ont touché lui-même, yani à savoir ses vêtements, ce qu'il a porté. Naam, ce qu'il a porté. Donc cette bague, le prophète alayhi salatu wassalam, du fait qu'il l'ait portée, les sahaba comme Abu Bakr, Omar, Uthman ont pris cette bague en recherchant elle baraka. Quant au fait de chercher la baraka sur autre chose, naam, sans avoir un texte, ça c'est du shirk. Parce que le baraka, elle provient de qui? Allah. Et qui est le seul à pouvoir rendre béni une chose? Allah. Naam. Allah. Et le prophète alayhi salatu wassalam, lui, a une baraka dhati, a une baraka d'essence qu'Allah azza wa jalla lui a donné. Ça lui est propre. C'est pour cela que sahaba ne venait pas sur Abu Bakr. Naam, il ne venait pas voir Omar, ni Uthman, ni autres pour se frotter à eux ou pour prendre de leurs cheveux ou de leur salive ou autre. Ça c'est que pour le prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui vient voir une personne et qui pense que sa salive est bénie, que sa transpiration est bénie, il aura commis un acte de shirk. Pourquoi? Parce qu'il est tombé dans ce qu'on appelle ittikhadu ma laysa bi sababin sababa. Il a pris et rendu une chose en étant une cause, comme étant une cause, alors qu'Allah ne l'a pas légiféré ainsi. Naam. Ni dans shara, avec un texte, ni bi tajruba, ni par expérience. C'est donc du polythéisme. Et c'est l'héritage des associateurs. Naam. Comme ils le faisaient avec leur arbre, Zatou Anwat, par exemple. Naam. Avec leur arbre, Zatou Anwat, ils recherchaient la bénédiction auprès de cet arbre. Taïb. Donc il faut faire attention à ce sujet. Et tabarruk, le fait de rechercher le baraka. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui rend béni les choses. Allah dit dans le Coran, concernant Isa, Waja'alani Mubaraka. Et il m'a rendu béni. Aina makut, où que je sois. Et il m'a rendu béni où que je sois. Allah Azza wa Jalla a décidé de bénir le Masjid al-Haram, le Masjid al-Aqsa, le mois de Ramadan, les nuits de Ramadan, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, et ainsi de suite. Subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa alladhi barakna hawla. Donc c'est Allah Azza wa Jalla qui bénit les choses. On ne peut pas, nous, par la suite, comme le font certains, ils portent un bracelet en fer, Et ils disent que ça, il y a le baraka avec ça. Il y a le baraka. Et si tu mets ça sur tes enfants, ils ne sont pas touchés par le mauvais œil. D'autres mettent autour de la taille, une chaîne ou autre sur leurs enfants. Ils disent qu'il y a le baraka et que ça protège. Ou bien que ça soigne. Kullu hadha shirk. Tout cela fait partie du shirk et fait partie de tama'im. Na'am. Et certains prennent des talismans et ils vont voir des frères ou bien des marabouts ou bien autres. Na'am. Et ils leur écrivent quelque chose et ils le replient et ils le mettent dans du fer ou dans du cuivre ou autre. Et ils lui disent qu'avec ça tu seras protégé. Hadha shirk. Na'am. Hadha shirk. Le seul qui protège, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui repousse le mal, c'est Allah. Le seul qui soigne et ôte le mal de la personne, c'est Allah. Na'am. Là, c'est une aqidah qu'il faut comprendre, qu'il faut avoir. Parce que beaucoup de gens qui n'ont pas étudié se font avoir par les égarés, égareurs, ou iyadan billah. Ceci étant dit, donc, le prophète alayhi salatu wassalam a pris cette bague pour pouvoir signer ses écrits. Parmi les textes authentiques que nous avons, c'est la lettre du prophète alayhi salatu wassalam à Kisra, le gouverneur des Perses. Dans le hadith de Anas ibn Malik, il nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam kataba ila Kisra wa Qaisar. Le prophète alayhi salatu wassalam a écrit à Kisra et à Qaisar. Puis il nous dit wa ila kulli jabba. Naam. Et il a kulli jabbarin yad'uhum ila Allah. Naam. Et à tous ceux qui se sont enorgueillis sur cette terre, ou bien qui avaient la domination, il les a invités à Allah Azza wa Jal. Il les a invités à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire à se soumettre à une divinité unique, à l'adorer seul sans jamais rien lui associer. Et à suivre sa voie et sa législation. Dans le recueil d'Imam Muslim, on nous dit qu'il a écrit à An-Najash. Puis les savants ont divergé. De quel Najashi s'agit-il? Naam. Nous, on a étudié dans Sira, qui avait ce titre, Al-Najashi, n'est-ce pas? Comme, quel était son prénom? Ashama. Est-ce que c'est lui ou non? Savant dit plusieurs avis. Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, a dit, c'est un autre. C'est pas le premier. Ça n'est pas Ashama. Est-ce que c'est compris? Car lui, on avait étudié, Naam, on avait vu que certains, donc parmi les gouverneurs, se sont convertis à l'islam. Est-ce que lui, celui duquel il s'agit dans le hadith, lui, il s'est converti à l'islam? Comme on va voir, au final, lui n'est pas entré en islam. Allez, ce second-là, il n'est pas entré en islam. Naam. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, a écrit à Kisra. Celui-ci, c'est Ibn Hurmuz. Ibn Hurmuz. Qu'est-ce qui est parti avec cette lettre? Abdullah ibn Hudhafa. Abdullah ibn Hudhafa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné cet écrit et il lui a dit d'aller le donner au gouverneur de l'Bahreïn. Au gouverneur de l'Bahreïn. Il faut savoir qu'il y avait des gouverneurs et qu'en dessous d'eux, ils avaient des gens qu'ils plaçaient dans différentes contrées. Naam, qu'ils plaçaient dans différentes contrées. Donc, Abdullah ibn Hudhafa a apporté cet écrit, Naam, au responsable de l'Bahreïn pour Kisra. Lorsque Kisra a lu cet écrit, Naam, ou bien lorsqu'il l'a reçu plutôt, Mazzaqahu, il l'a déchiré. Et il n'a pas respecté l'écrit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam, lorsque cela lui est parvenu, il a fait dua afin qu'Allah mazzaq sa royauté. Et c'est ce qui s'est passé. Naam, c'est ce qui s'est passé. Li'anna al-jaza min jinsi al-amal. car la rétribution, elle est en fonction de l'action. Lorsque lui a déchiré les cris du prophète alayhi salatu wassalam, Allah azza wa jalla en fit de même pour sa royauté. Naam, il en fit de même pour sa royauté. Et le prophète alayhi salatu wassalam a même reçu la bonne nouvelle d'Allah tabaraka wa ta'ala que sahaba, après sa mort, allait ouvrir naam, les trésors de Kisra. Et c'est ce qui s'est réalisé. C'est ce qui s'est réalisé. Cela fait partie de ce qu'on appelle a'lamun nubuwa, des signes de la prophétie. Ce sont des événements qui se produisent, qui viennent appuyer et attester de la véracité de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Kisra a écrit à celui qui est en poste pour lui au Yémen, Naam, et il lui a dit d'envoyer des émissaires pour voir qui est Mohammed et lui apporter des informations à son sujet. Donc Kisra n'a pas accepté l'islam. Il n'a pas respecté l'écrit du prophète alayhi salatu wassalam. Au contraire, il l'a déchiré. Puis il a envoyé une lettre à celui qui était en poste pour lui au Yémen et il lui a dit envoie des gens, Naam, au Hijaz, envoie des gens en Arabie pour qu'il s'enquière de sa situation et qu'il m'apporte qu'il m'apporte ces informations. Alors, il envoya deux hommes. Ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils avaient de longues moustaches. Ils avaient quoi? De longues moustaches. Et ils étaient rasés. Naam. Ils avaient de longues moustaches et ils étaient rasés. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: Men amarakum bihada? Qu'est-ce qui vous a ordonné de faire cela? C'est-à-dire de laisser pousser vos moustaches et de raser vos barbes. Ils ont dit Amarana bidhalika rabbuna. Celui qui nous a ordonné cela, c'est notre Seigneur, notre Maître. Ils entendaient par cela qui? Kisra. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu Walakin amarani rabbi. Quant à moi, mon Seigneur m'a ordonné de laisser pousser la barbe et de tailler les moustaches. De laisser pousser la barbe et de diminuer les moustaches. Parce qu'en islam, c'est haram de se raser pour l'homme. Par contre, la moustache, il doit la diminuer. Que veut dire il doit la diminuer? Il ne doit pas la laisser s'épaissir de manière exagérée, ni, ça c'est en épaisseur, ni tomber sur les lèvres. Naam, ni tomber sur les lèvres. En islam, il y a des poils qu'il faut enlever de manière obligatoire. Et il y a des poils qu'il faut laisser de manière obligatoire. Qu'est-ce qu'il faut laisser de manière obligatoire? Al-lihya. Ça, c'est tout le temps. Puis, en état d'ihram. En état d'ihram, en état de sacralisation pour l'umra ou le hajj, la personne n'a pas le droit d'ôter ses poils. La personne n'a pas le droit d'ôter ses poils tant qu'elle ne sort pas de l'ihram. Tant qu'elle n'a pas fini. Naam. Tayyib. Donc ça c'est un hukm shar'i, l'interdiction de raser la barbe, naam, et l'obligation de tailler les moustaches. L'obligation de tailler les moustaches. Puis les savants divergent sur un hadith qui dit de raser la moustache, c'est-à-dire de l'ôter entièrement, naam. Mais beaucoup de savants disent que ce hadith n'était pas authentique. Il n'était pas authentique. Quoi qu'il en soit, ça c'est un point qui est important qu'il nous faut connaître. Beaucoup se rasent la barbe par ignorance, ils ne savent pas que c'est obligatoire. Désormais, ils le savent. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a ordonné cela. U'fou l'liha, wafiru l'liha, laissez pousser vos barbes. Na'am akrimu l'liha, honorez vos barbes. Taïb. Et sahaba ont été questionnés. Comment saviez-vous que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, récitait dans les prières à voix basse? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Hein? On voyait sa barbe bouger. Et quelle forme avait sa barbe? Elle était moustadire, elle était ronde, elle était fournie. Donc de dos, il reconnaissait sa lecture parce qu'il voyait sa barbe bouger. Est-ce que la barbe, c'est la sunna du prophète ﷺ seulement? Ou bien c'est la sunna des prophètes? C'est la sunna des prophètes, quelle est la preuve? Dans l'histoire de Moussa et de Haroun. Na'am. Lorsque Moussa alayhi salam est revenu, قال يا ابن أم لا تأخذني بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقول. Ô fils de ma mère, ne me saisis ni par ma barbe ni par ma tête. Lorsque Moussa alayhi salam s'est mis en colère après avoir vu l'égarement de Bani Israël, ne me saisis ni par ma barbe ni par ma tête. C'est la preuve de quoi? C'est la preuve que Haroun alayhi salam avait al-lihya. Al-Nasara, les chrétiens, lorsqu'ils représentent Isa ibn Maryam, ils les représentent avec quoi? Toujours avec deux choses. Lesquelles? Al-lihya wal-qamis. Al-lihya wal-qamis. Avec la barbe et le qamis. Donc ça, c'est une chose qui est connue et reconnue. Donc comment se fait-il qu'à notre époque, certains essayent de débattre et de faire croire que ceux qui ont la barbe sortent de la base? Non, la base, c'est l'ih. Allah Azza wa Jalla a créé l'homme avec l'ih. Et Aïcha radiallahu anha disait, par celui qui a embelli l'homme de par la barbe. Par celui qui a embelli l'homme avec la barbe. Donc ça, c'est une bonne chose, et c'est noblesse, et c'est rujoula. Na'am. Et l'homme s'embellit ainsi. Na'am. Il n'y a aucune gêne à avoir en portant la barbe. Et les érudits de chaque communauté, et les mada, ceux qui sont tels, les avocats, les chirurgiens et autres, na'am, dans différentes civilisations que tu regardes, dans tel pays ou tel autre, ils ont l'ihya. Ils ont l'ihya. D'accord? Donc ça, c'est une chose qu'il ne faut pas raser. Na'am. Ni dire j'ai honte de porter la barbe parce qu'ils vont dire je suis un mada, je suis un extrémiste terroriste et tout ce qui finit en ist. Na'am. Là. Non, on ne met pas la barbe pour qu'ils disent de nous, ils ne disent pas de nous. Non, on fait ça parce que c'est le musulman. Non, on fait ça parce que nastaslim lillahi rabbil alamin. Parce qu'on se soumet à Allah Azza wa Jal. Parce qu'on suit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on va avoir honte de se soumettre au créateur des cieux et de la terre? Celui qui doit avoir honte, c'est celui qui désobéit Allah Azza wa Jal. C'est celui qui s'éloigne de la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pas un autre. Na'am. Et tu peux trouver un parent qui est ignorant. Il dit à l'enfant, qu'est-ce que tu fais avec cette barbe? On va dire de toi que tu es un terroriste. Qu'est-ce que tu fais avec cette barbe? On va dire. Allahu Akbar. Celui qui a son enfant qui laisse pousser sa barbe, il doit être fier de son enfant. Il doit être content qu'il ressemble au meilleur des meilleurs parmi les hommes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mafkhara lak. Tu dois être fier. Tu dois te réjouir de voir ton enfant suivre la voie du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr avait la barbe. Omar avait la barbe. Sahaba avait la barbe. Na'am, et comme l'a dit Cheikh Al-Madha Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti rahimahullahu ta'ala, Al-Sahaba, c'est eux qui ont ouvert les plus grandes puissances, yani les frontières des plus grandes puissances mondiales. Et il n'y avait pas dans leur rang un seul qui rasait sa barbe. Sahulala. Il n'y avait pas un seul parmi eux qui rasait sa barbe. Taïeb. Au jour d'aujourd'hui, parmi les musulmans, certains se rasent. Certains se rasent. Certains par ignorance. Certains par faiblesse. Taïeb. Est-ce que ces gens-là ont réussi avec leur intellect à avoir plus que ce que Sahaba ont atteint? Jamais et jamais ils ne l'atteindront. Parce que le bien, tout le bien, il réside dans leur suivi. Et le mal, tout le mal réside dans le fait de les contredire dans leur foi. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, quant à moi mon Seigneur, il m'a ordonné de laisser pousser la barbe et de tailler les moustaches. Puis le prophète alayhi salatu wassalam a regardé leurs croyances et il a vu qu'ils étaient sur la croyance de leur peuple. Puis il leur a transmis l'information qui faisait partie encore et à nouveau de la révélation et des signes de sa prophétie. Il leur a dit, quant à votre compagnon, il est mort. C'est-à-dire Kisra, vous allez rentrer, vous allez trouver qu'il est mort. Le prophète sallam, il dit ça, il est où? Il est à Al-Medina. Naam. Et Kisra est à des milliers de kilomètres. Ça? Ces deux-là sont rentrés. Ils avaient été envoyés d'où? Souvenez-vous? Le Bahreïn. D'accord? Donc ils sont rentrés, ils ont transmis l'information. Lorsqu'ils sont rentrés, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé que le fils de Kisra avait assassiné Kisra. Le fils de Kisra avait assassiné Kisra. Ils disent que qu'il s'appelle Shirawai. Ils disent que son fils s'appelait Shirawai. Ou Shirawai. Ils n'ont donc pas eu le choix si ce n'est d'attester de la véracité du prophète alayhi salatu wassalam. Ils se sont donc convertis eux à l'islam, Naam, et leur famille avec. Dans certains ajouts, Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dit que certaines de ces parties sont bonnes. La deuxième lettre qu'on mentionne, c'est la lettre du prophète alayhi salatu wassalam à Qaysar, donc l'empereur des Romains. Qu'est-ce qu'il avait envoyé à Kisra? Abdullah ibn Hudhafa. Qu'est-ce qu'il a envoyé à Qaysar? Dihya al-Kalbi. Quelle est la particularité de Dihya al-Kalbi dans son physique? Lorsque Jibril alayhi salam descendait avec la révélation, souvent il descendait sous l'apparence humaine, n'est-ce pas? Et parfois il ressemblait à certains parmi Sahaba, parmi eux Dihya al-Kalbi. Naam, parmi eux Dihya al-Kalbi. Jibril alayhi salam, sous sa forme humaine, ressemblait à Dihya al-Kalbi radiallahu anhu. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé une lettre à Qaysar. Et ce hadith est rapporté dans le Bukhari et Muslim. Qui est-ce qui rapporte ce hadith? Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Qui l'a entendu de qui? De celui qui a témoigné de cette histoire. Qui est-ce? Une histoire célèbre. Abu Sufyan. Abu Sufyan radiyallahu anhu. Et Abdullah ibn Abbas lui-même l'a entendu de qui? D'Abu Sufyan radiyallahu an. Comme vous savez, Abu Sufyan ne s'est pas converti tôt à l'islam. Naam, il faisait partie des émissaires de Quraysh. Naam, des responsables de Quraysh. Et il faisait aussi partie de ceux qui voyageaient pour le commerce. Le prophète alayhi salatu wassalam a donc envoyé Dihya al-Kalbi avec sa lettre pour remettre cela à Qaysar. Dans une autre version du hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: qui est-ce qui va donner ça à Qaysar ou à lahu al-Jannah? C'est une mission très périlleuse. Il va voir la plus grande puissance mondiale, ou une des plus grandes puissances mondiales, et il va lui remettre cette lettre. Naam. Qui va donner cette lettre à Qaysar ou à lahu al-Jannah? Il y a eu un silence. Puis un sahabi a dit: ya Rasulallah, wa illam yu'min, même s'il ne se convertit pas, le prophète sallam a dit, même si ça se passe ainsi. Alors Dihya radiallahu an a pris l'écrit. Naam, il a pris l'écrit. À ce moment-là, il se trouvait à Bayt el-Maqdis. Et il lui avait déroulé, comme on dirait, le tapis rouge. Et personne ne marche dessus si ce n'est Qaysar. Qu'a fait Dihya, de par son intelligence? Il a mis la lettre sur le tapis, sachant que personne n'allait passer par là. Comme ça, Qaysar va prendre la lettre, et lui, il aura sauvé sa vie, bi'idhnillah. Naam. Qaysar est passé par là, il a pris la lettre. Il a lu la lettre, Il a dit, qui est celui qui a posé cette lettre? Personne n'a répondu. Dihya lui a rempli sa mission. Puis il a dit, qui a posé cette lettre-là? Wa huwa amin. Yani ammana. Il a la garantie pour sa vie. Je ne le tuerai pas. Dihya a dit, c'est moi. Naam, Dihya a dit, c'est moi. Et il lui a dit, passe me voir plus tard. Yani, il ne l'a pas informé qui que ce soit du contenu. Il lui a dit, passe me voir plus tard. On revient à l'autre version du hadith. Qaysar a dit, qui parmi les proches de cet homme, yani, qui y a-t-il ici parmi les proches de cet homme? Alors, Abu Sufyan, qui était avec une délégation, a répondu à cet appel. Il les a fait venir, il les a convoqués. Puis il leur a dit, « Men minkum akrabu nasab » yani, « Men minkum akrabu nasaban ilan nabi sallallahu alayhi wa sallam » Qui parmi vous est le plus proche en lignée et yani, concernant le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam? Abu Sufyan a dit, « Moi ». Alors il lui a dit, « Avance-toi ». Et il a dit à ses compagnons derrière lui, « S'il ment, démentez-le ». Et Abu Sufyan a dit, « Rien ne m'a empêché de mentir, si ce n'est par pudeur. » Non, parce que c'était honteux chez les Arabes d'être qualifié de menteur. Non, c'était honteux d'être qualifié de menteur. Non, l'honneur avait une grande place, et c'est toujours le cas. Donc, Abu Sufyan s'est avancé. Et il lui a posé certaines questions. Il lui a posé certaines questions. Je vais vous lire une partie et essayer de résumer. Donc Abu Sufyan était dans une délégation de commerçants au Sham un certain temps. Il a été appelé dans une assise où il y avait les grands de Rome. Qaysar a appelé son traducteur et il l'a questionné. Donc Héraql a demandé qui était le plus proche. Abu Sufyan a dit, moi. Il l'a fait avancer et a dit à ses compagnons, et à chaque fois il disait à son traducteur leur disait, s'il ment, démentez-le. Abu Sufyan dit, فَوَاللَّهِ لَوْلَا الْحَيَا مِنْ أَنْ يُؤْثِرُ عَلَيَّ كَذِبًا أَوْ يَأْثَرُ عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَّبْتُ. Si, yani, nous c'était la honte ou bien la pudeur qu'ils disent de moi que je suis un menteur, j'aurais menti. قَالَ هِرَقْلَ كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ. Première question, quelle est sa lignée parmi vous? Abu Sufyan a répondu, Wafina du nasab. Il est auprès de nous parmi les nobles. Il est auprès de nous parmi les nobles. Puis Héraql a dit, Fal qala hadha al-qawl minkum ahadun qat qablahu. Puis Héraql a dit, est-ce qu'une personne avant lui a prétendu à cette affaire? Est-ce qu'avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un homme a dit, je suis un prophète, un messager, et je reçois la révélation de la part d'Allah? Al Abu Sufyan, là, Abu Sufyan a dit non. Al Héraql, fa'al kana min aba'ihi min malik. Est-ce que parmi ses ancêtres, il y a eu un roi, un gouverneur? Al Abu Sufyan, là, Abu Sufyan a dit non. Al Héraql, fa'ashrafu nasi yatba'una. Est-ce que ce sont les nobles de votre peuple qui le suivent majoritairement ou ce sont les faibles parmi eux? Abu Sufyan a dit que ce sont plutôt les faibles parmi eux. Est-ce que leur nombre augmente ou il diminue? Abu Sufyan a dit que leur nombre augmente. Hassan a dit que l'islam est rariba et ça est rariba. L'islam a commencé étranger. Ensuite, les gens augmentaient dans leur nombre. Qala Héraql, hal yartaddu ahadu minhum suhtatan li dinihi ba'dan an yudkhil ba'da yudkhil fi? Qala Abu Sufyan, la. Héraql lui a dit, est-ce que parmi eux, certains sortent de l'islam par aversion envers cette religion, après s'être converti à l'islam, Abu Sufyan a dit non. قال هرقل فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ Est-ce que vous le suspectiez d'être de mensonge? Est-ce que vous le suspectiez de mensonge auparavant, avant qu'il amène cette histoire, avant qu'il dise être un messager et recevoir la révélation de la part d'Allah? قال أبو سفيان لا. أبو سفيان a dit non. قال هرقل فهل يغدر؟ Est-ce qu'il trahit? Est-ce qu'il triche, il trompe, est-ce qu'il trahit? قال أبو سفيان لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. Abu Sufyan lui a dit, est-ce qu'il triche? Est-ce qu'il trahit? Quand vous avez un accord, par exemple, est-ce qu'il trahit? Abu Sufyan a dit non. Et c'est le seul moment où il a réussi à glisser une parole. Car souvenez-vous de la situation, il y a ses compagnons derrière, compagnons Abu Sufyan. Et c'est le chef de Quraysh, le chef des Arabes. Na'am, il ne veut pas être qualifié de menteur par la suite. Donc il ne peut pas mentir. Mais là, lorsqu'on lui a dit, est-ce qu'il trahit? Il a saisi cette occasion pour placer une parole. Il a saisi cette occasion pour placer une parole. Il a dit non, mais on a un pacte avec lui actuellement pour un temps déterminé. Il fait référence à quoi? Al-Hudaybiyah, Sulh al-Hudaybiyah. Mais on a un pacte avec lui pour un temps déterminé et on ne sait pas ce qu'il va faire. Naam, on ne sait pas comment est-ce qu'il va se comporter. Comme pour dire, peut-être qu'il va trahir. Naam, donc il n'a rien trouvé à dire sur la personne ni la personnalité du prophète alayhi salatu wassalam de par la perfection qu'Allah azza wa jal humaine lui a la perfection humaine qu'Allah azza wa jal lui a donnée. Qala Abu Sufyan wa lam atamakkan bi kalimatin udkhil ya'ni ادخل فيها شيئا غير هذه الكلمه. Il a dit, je n'ai rien trouvé, je n'ai trouvé aucune faille pour placer quelque chose sur lui si ce n'est celle-ci. قال هرقل فهل قاتلتموه؟ هرقل lui a dit, est-ce que vous l'avez combattu? قال ابو سفيان نعم. ابو سفيان a dit oui. قال هرقل فكيف كان قتالكم اياه؟ Comment ça s'est passé? À qui revenait la victoire? قال أبو سفيان الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. أبو سفيان lui a dit, la guerre entre nous, سجال, ça veut dire des fois on l'emporte, des fois il l'emporte. قال هرقل ماذا يأمركم؟ Qu'est-ce qu'il vous ordonne? Quel est son prêche? C'est quoi sa da'wa? قال أبو سفيان يقول أعبد الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. الله أكبر. Ça c'est la da'wa du prophète عليه الصلاة والسلام. أبو سفيان a répondu, il dit, نعم, il n'a pas dit il nous ordonne, il dit adorez Allah seul et ne lui associez rien et délaissez ce que disaient vos parents. Il nous ordonne la prière, la véracité, de dire la vérité. Al-afaf, le fait d'être chaste, de ne pas commettre la fornication, adultère et autres. Wasila, le fait de lier le lien de parenté avec les parents, avec les frères, sœurs, tantes, oncles, ainsi de suite, avec la famille. Qala Hiraql, les turjuman, taïb. Naqifu waqfa. Et si on s'arrête un temps. Ça, c'est la da'wa du prophète, alayhi salatu wassalam, qui a été décrite par qui? Par Abu Sufyan. Abu Sufyan, à cette époque, il est musulman ou n'est pas musulman? N'est pas musulman. Non, un peu après ça, il s'est converti à l'islam. Abu Sufyan, qui n'est pas musulman, a été capable de résumer la da'wah du prophète alayhi salatu wassalam en une ligne. En disant, cette da'wah est la tawhid, wa nabdi shirk, wa salah, wa sidq, yani wa salah, wa makarim al-akhlaq. C'est quoi la da'wah du prophète alayhi salatu wassalam? Et tawhid, dire aux gens adorer que Allah, mettre en garde contre le shirk, la prière, le bon comportement. Abu Sufyan radiallahu anhu a été capable de résumer cela. Et tu trouves des gens qui ينسبون أنفسهم إلى الدعوة qui s'affilient à la prédication ou bien à la science et ils n'appellent pas à ça. Pire encore, ceux qui appellent à ça, ils les prennent en ennemis, les dénigrent, les critiquent ou tentent de faire disparaître leur da'wa. Wahayhat. Naam. Wahayhat. Donc ça, c'est le prêche du prophète alayhi salatu wassalam. Cela, on doit nous l'étudier. Cela, on doit nous l'appliquer. Cela, on doit nous le transmettre, l'enseigner, chez nous, à l'extérieur. Naam. Ça, c'est la da'wa du prophète, alayhi salatu wassalam. Adorer Allah, uniquement. Uniquement, c'est important, parce que celui qui adore Allah, mais avec lui autre, c'est un mushrik, c'est un associateur. Wa la tushriku bi shay'a. Ça, c'est la négation, le fait de renier le droit à l'adoration pour autre qu'Allah. Et pour être tawhid, il faut absolument ces deux parties. La négation, la ilaha, l'affirmation illallah. La négation du droit à l'adoration pour autre qu'Allah. Nafyu istiqaq al-ibada wa al-ubudiyya an kulli ma siwa Allah. Wa ithbatuha lillah wahdahu la sharika la. On doit renier le droit à l'adoration pour tout autre que Allah et affirmer qu'il est le seul à la mériter. Naam, ça c'est le sens de la ilaha illallah et c'est cette parole qui nous est citée ici. Et son explication est dans le Coran, n'a pas été faite par les gens. Elle est dans le Coran. Dhalika bi anna Allahu al-haq wa annama yad'una min dunihi al-batil. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qawmi innani bara'un mimma ta'budun. Naam, illa alladhi fatarani. Le Coran est rempli de l'explication du tawhid. Et il a été révélé pour cela. Et les messagers ont été envoyés pour cela. Puis watruku ma yaqulu aba'ukum. Délaissez ce que disaient vos ancêtres. Leurs ancêtres étaient sur quoi? Ash-shirk. Quant à celui qui a des ancêtres qui étaient sur al-tawhid, est-ce qu'il délaisse la voie de ses ancêtres? Non. Comme a dit Youssouf alayhi salam, wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. N'est-ce pas? Donc celui qui a des ancêtres qui étaient vertueux sur al-tawhid, sur al-sunnah, on lui dit pas délaisse la voie de tes ancêtres. Mais celui qui a des ancêtres qui sont sur al-shirk, est-ce qu'il dit non, c'est mon père, non, c'est mon grand-père, alors je ne bouge pas? Non. Il regarde ce sur quoi était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même si ça contredit la voix de ses ancêtres. Chez nous, il y a des choses en Afrique qui sont en conformité avec la sunna. On reste dessus, on ne change pas. Comme les liens de parenté. Comme les liens de parenté. Tu ne trouves pas des gens qui ont plus d'ihtimam sur les liens de parenté que eux. Ils connaissent leur nasab, ils connaissent leur famille, ils connaissent un tel, c'est le fils d'un tel. Et sa mère et le père de lui, ce sont des demi-frères. Et ils connaissent une ma'arifa ajib, étonnante. Les liens de parenté, c'est muhim jitta. On ne délaisse pas ça. Ils mangent en groupe, ça c'est une sunna, on ne délaisse pas ça. Le respect des parents, ils ont cela, on ne délaisse pas ça. Mais certains portent des talismans. Certains vont voir des marabouts lorsqu'ils ont un problème. Est-ce qu'on va dire comme nos parents étaient dans ça, alors on le fait nous aussi? Non, on le délaisse. Tout ce qui contredit sunna, on le délaisse. Dans le mariage, il y a des choses qui sont bonnes. Naam, comme un shura, il se consulte. Naam, pour que ça ne divise pas la famille au final. Et pour pouvoir régler lorsqu'il y aura des problèmes futurs. Mais il y a des coutumes qui sont contradictoires avec ad-din. Naam, alors ça, il ne faut pas le faire. Comme par exemple, de dire que la femme, elle ne va pas chez son mari tant que le mari n'a pas donné de l'argent au père. Et tant qu'il n'a pas donné telle chose à la mère, et tant qu'on n'a pas lavé les cheveux de la fille, on n'a pas lavé ses pieds, parce que si on lave ses pieds, c'est comme ça enlever les péchés et les mauvaises choses. Il y a les mauvais effets dans lesquels elle a marché, elle est partie. Là, il n'y a que Tauba le repentir qui efface les péchés. Donc chacun doit regarder dans ses coutumes, ses cultures, ce qu'il y a. Ce qui est bon en conformité avec l'islam, il le garde. Non? Et ce qui est mauvais, parce que c'est en contradiction avec l'islam, il le délaisse. Il ne dit pas, nos ancêtres n'étaient pas comme ça, alors on ne change pas. Non. Le meilleur, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a été éduqué par Allah, azza wa jalla. Il a reçu la révélation d'Allah. C'est le seul de qui on doit tout prendre et accepter. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans l'introduction, ou bien au début de Zadul Ma'at, il dit une parole qui est magnifique. Il dit, même le savant, ce n'est pas toute parole qu'il prononce qu'on accepte. Et il dit, il est sa'irul ittiba', la wajib al ittiba'. Ça, c'est une kalima qui est magnifique, qu'il faut retenir, et c'est la voix de l'Ahle Sunna. Ni dénigrer les savants, ni le fanatisme envers les savants, c'est le juste milieu. Ibn Qayyim dit, on peut le suivre, il est sujet au suivi, mais pas de manière obligatoire. C'est-à-dire dans tout ce qu'il dit. Celui qui dénigre les savants de l'Ahle Sunna, et qui vise les savants de l'Ahle Sunna, qui dénigre les savants de l'Ahle Sunna, n'est pas sur la bonne voie. Et celui qui fait le fanatisme avec les savants de la Sunna, et qui pense qu'ils ont bon dans tout, et qui ne sont pas sujets à la faute, et que celui qui en contredit un, ou plusieurs, en suivant la parole d'autres, qu'il est dans l'égarement, ça aussi c'est une faute. Où est donc le juste milieu? C'est ce que dit ici Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Mais at-tawfiq wa aziz. La réussite, c'est pas une chose simple. Parce que c'est des effets, c'est des actions du cœur. Et le cœur, il s'attache forcément, na'am, à certaines choses ou à certaines personnes. Donc on retient cette da'wa, la da'wa du prophète alayhi salat wa salam. On s'y cramponne, on l'étudie et on y invite les autres. Et on patiente dessus. Abu Sufyan, Hiraql au final a cité la conclusion de ces questions. Et a dit à Abu Sufyan, il a dit au turjuman, il a dit au traducteur de dire à Abu Sufyan, Sa'altuka an nasabihi, fa dhakarta annahu fikum dhu nasab. فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقولي يأتسي بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك ومن ملك فذكرت ألا قلت فلو كان من آبائه من ملك ومن ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك donc je vais traduire d'abord. Il a dit au traducteur, dit à Abu Sufyan, je t'ai questionné, je t'ai demandé quelle était sa lignée parmi vous. Et tu m'as répondu qu'il faisait partie des nobles. Et c'est ainsi que sont envoyés les messagers parmi les plus nobles de leur peuple. Et je t'ai questionné, est-ce qu'une personne avant lui a prétendu à cette chose? Tu m'as dit que non. Si ça avait été le contraire, j'aurais dit, il ne fait que prendre comme exemple et réitérer ce qui a été dit avant lui. Puis j'ai été demandé, est-ce que l'un parmi ses parents était roi, son père, son grand-père ou autre? Tu m'as dit que non. Si ça avait été le contraire, j'aurais dit, il ne veut que restaurer la royauté de son père. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. Puis il lui dit, je t'ai demandé, est-ce que vous le soupçonnez de mensonge? Est-ce qu'il a déjà menti? Et tu m'as dit non. Alors je me suis rappelé une chose, ou j'ai su une chose, c'est qu'il n'allait pas éviter le mensonge chez les gens pour au final venir mentir sur Allah. Ça c'est une kalima, les azima jiddan. S'il ne mentait pas dans la parole des gens, s'il ne mentait pas chez les gens, ou dans la parole des gens, comment est-ce qu'on pourrait le soupçonner de mentir sur Allah? Naam, comment est-ce qu'on pourrait le soupçonner de mentir sur Allah? وسألتك عن أشرف الناس اتبعوه وسألتك أشراف الناس اتبعوا أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. Je t'ai questionné, je t'ai demandé, est-ce que ce sont les nobles de son peuple qui le suivent ou ce sont les faibles? Et tu m'as dit les faibles. C'est ainsi que sont les suiveurs des messagers. La majorité, ce sont qui? Ce sont les faibles. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون فكذلك أمر الإيمان حتى يتم. Je t'ai demandé est-ce que leur nombre augmente ou diminue. Augmentait ou diminuait, tu m'as dit qu'il était en augmentation. Et c'est ainsi qu'est l'affaire de la foi, Amrul Iman, jusqu'à ce qu'il soit complété. Jusqu'à ce qu'il se complète. Wa sa'altuka ayartaddu ahadun suhtatan li dinihi ba'da an yudkhila fi ba'da an yadkhula fi فذكرت ألا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشة القلوب. Et je t'ai demandé est-ce que l'un d'entre eux sortait de l'islam par aversion vers cette religion après l'avoir embrassée, et tu m'as dit que non. Et c'est ainsi la foi lorsqu'elle se mêle, lorsqu'elle s'élargit, lorsqu'elle se complète dans le cœur. Naam. C'est-à-dire celui qui entre dans l'islam. Naam. Il n'en sort pas parce que Allah Azza wa Jal a fermé sa poitrine et lui met le délice. يعني يشرح صدره للإيمان. نعم. Il lui met le plaisir du iman et l'acceptation du iman dans son cœur. وسألتك هل يرد. Je t'ai demandé est-ce qu'il trahissait, est-ce qu'il trompait. Tu m'as dit que non. فكذلك وكذلك الرسل لا تغدر. C'est ainsi que sont les messagers, ils ne trahissent pas. Les messagers ne trahissent pas. وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَيَأْمُرُكُمْ مَاذَا وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَأَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيْ هَاتَيْنِ. Je t'ai demandé à quoi est-ce qu'il vous, yani qu'est-ce qu'il vous ordonnait. Et tu m'as cité qu'il vous ordonnait d'adorer Allah, de ne rien lui associer. Il vous interdisait l'adoration de ceux qui adorent en dehors d'Allah. Et il vous ordonnait la prière, la véracité, la chasteté. Si tout ce que tu me dis est véridique, alors sache qu'il possédera un jour ce qu'il y a entre mes deux, sous mes deux pieds. Sache qu'il possédera un jour ce qui se trouve sous mes deux pieds. Naam. Qui est-ce qui dit ça? Hirak. Azim al-Rum. L'empereur des Romains. Naam. L'empereur des Romains qui voit l'immensité de l'ordre du prophète alayhi salat wa salam en face de lui. Vous imaginez? Une des plus grandes puissances mondiales à cette époque, si ce n'est la plus grande. Il a reconnu. Pourquoi? Héracle, c'est quoi son dîn? Al-Nasraniya. Est-ce que dans les livres de Ahlul Kitab, on trouve l'envoi du prophète alayhi salam et sa description ou pas? Son message, la mention de ses compagnons ou pas? Non, on trouve ça dans le Coran. On trouve ça dans le Coran. وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا مصدقا لما بين يدينا من التوراة بين يدينا من التوراة والإنجيل أو من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. عيسى عليه السلام جاء à son peuple. Ô Banu Israël, je suis le message d'Allah qui vous a été envoyé et je viens certifier ce qui s'est passé avant. Naam. Certifie ce qu'il y a dans Torah, ce qui a été révélé à Moussa alayhi salam. Et je vous annonce la bonne nouvelle d'un messager à venir qui s'appelle Ahmed. Qui s'appelle Ahmed. Donc est-ce qu'ils le connaissent ou pas? Ils le connaissent. Ya'arifunahu, ils le connaissent même à quel point? Comme ils connaissent qui? Kama ya'arifuna? Abna'ahum, Allahu Akbar. Ils le connaissent comme ils connaissent leurs propres enfants. Dans leur livre, il y a même la description des sahaba. Naam. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. Dans Torah et l'Injil, on a décrit Sahaba. On a montré comment ils étaient dans le din, comment ils étaient entre eux, quel comportement ils avaient, quelle piété ils avaient. Donc Héracle, à travers cette description, a reconnu cette vérité. Puis il a dit وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم. Et j'avais certes eu connaissance qu'il y a un prophète qui va sortir. D'où est-ce qu'il a eu cette connaissance? dans les livres anciens. Mais je ne pensais pas qu'il sortirait de Mada parmi vous. Je ne pensais pas qu'il serait ici des vôtres, c'est-à-dire un prophète arabe de la péninsule arabique. Falaou anni a'lamu an yakhlusu ilay. Puis il a dit, si je pouvais l'atteindre, si je pouvais le rencontrer, la kuntu inda. Si ce n'est cette occupation, la royauté, le pouvoir et ainsi de suite, je serai à ses côtés, je serai auprès de lui. Savez-vous ce qu'il a dit ensuite? Wala rasaltu qadamay, je serai en train de laver ses pieds. Allahu Akbar. Je serai en train de laver ses pieds. Thumma da'a bi kitab rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a demandé à ce qu'on lui apporte la lettre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alladhi ba'atha bi dihya ila 'azimi busra. Ila 'azimi busra fadafa'ahu ila Hiraqli. Faqara'ahu fa idha fi. Donc il a demandé à ce qu'on lui apporte la lettre. Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'avait fait Dihya? Il avait posé la lettre. Naam, elle avait été récupérée et elle a été remise. Taïb. Elle fut remise à Hiraql. Faqara'ahu. On lui a lu. Fa'idha fi. Quel est le contenu de la lettre? Bismillahirrahmanirrahim. Qu'est-ce qu'on tire de cela? Sunnatul bad'i bil basmala. Naam, fil kutub wal rasail al muhimma. De cela, les savants, comme Al-Hafidh ibn Hajar et d'autres, on tire de cela la sunna de commencer les écrits et les lettres importantes par Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadi Abdillah wa rasulihi ila Hiraqli Azim al-Rum. De la part de Muhammad, le serviteur d'Allah et son messager, à Hiraql, l'empereur des Romains. Salamun ala man ittaba' al-huda. Que la paix soit sur celui qui suit la guidée. Amma ba'd. Ceci étant dit, fa inni ad'uka bi da'ayat al-islam. Aslim taslam yu'tika Allahu ajraka marratayn fa in tawallayta fa inna alayka ithma al-arisiyyin wa ya ahla al-kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'buda illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la attakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ça, c'est la lettre du prophète alayhi salatu wassalam à Hiraql. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. De la part de Muhammad, le serviteur d'Allah et son messager. Donc, ici, une grande science. C'est que le prophète alayhi salatu wassalam, c'est le serviteur d'Allah. Qu'est-ce qu'on tire de ça? On ne doit pas exagérer à son sujet. On ne doit pas le faire sortir de son rang, celui auquel Allah l'a élevé. Naam, il n'y a pas plus noble que le rang auquel Allah Azza wa Jal l'a placé. C'est le serviteur d'Allah et son messager. Quand on dit c'est son serviteur, ça veut dire il ne faut pas l'adorer. Il ne faut pas lui prêter des propriétés de la seigneurie. Comme dire il peut créer, il peut connaître le futur, il peut. Non, ça c'est Allah Azza wa Jal. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abdullah, c'est le serviteur d'Allah. C'est un humain, il mangeait, il dormait, il tombait malade, il est né, il est décédé, il sera ressuscité. Wa Abdullah, c'est le serviteur d'Allah, on ne doit pas l'adorer. On ne doit pas dire qu'il connaît le futur. On ne doit pas dire qu'il peut créer. Naam, qu'il peut, qu'il sait ce qu'il y a, yani parmi les choses qu'il ne voit pas, et ainsi de suite. Non, sauf ce qu'Allah lui a révélé. Sauf ce qu'Allah Azza wa Jal lui a révélé. Des gens sont venus le voir et lui ont dit Anta Sayyiduna, Wabnu Sayyidina, Wanta Khayruna, Wabnu Khayrina. Il leur a dit, oh vous les gens, cessez cela. Dites une partie de ce que vous dites et ne laissez pas Shaitan vous égarer. Naam, c'était une chose qui n'était pas connue chez les Arabes, l'exagération dans les éloges. Ça, c'est une chose qui était connue chez les non-Arabes, chez leurs dans les puissances, Mada, les Perses, les Romains et autres, ils exagéraient sur les rois. Naam, ça c'était pas connu chez les Arabes. Donc, wa Abdullah, c'est le serviteur d'Allah, on ne l'adore pas, mais Rasoulou, il a dit son messager. Ça veut dire qu'on est obligé de le suivre. On est obligé de croire en lui. Et ce qu'il nous transmet, c'est de la part d'Allah. Et lorsqu'il nous donne un ordre, si on obéit, on a obéi à Allah. Et lorsqu'il nous interdit une chose, si on s'en éloigne, on a obéi à Allah. Et si on fait cela, on sera récompensé par Allah. Et après avoir goûté à la mort, on sera ressuscité par Allah. Et si on a bien agi et obéi au prophète, sallam, on aura obéi à Allah, donc il nous fera rentrer dans le paradis d'Allah. Wadih. Donc on doit lui obéir. C'est loin de sa désobéissance. On doit croire en lui, ce dont il nous a informé, parmi les choses passées, les choses futures, les choses présentes, les choses de l'invisible et autres, car ça vient d'Allah. Allamul Ghuyub. Et enfin, et aussi, on doit adorer Allah qu'à la manière dont il nous a enseigné, parce que c'est le message d'Allah. Wa ma atakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum an fantahu. Ce que le message d'Allah vous donne, prenez-le. Ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez un parfait exemple à suivre en la personne du message d'Allah. Fahuwa Muhammad Rasulullah wa abdu. C'est Muhammad, le serviteur d'Allah et son messager. Ça, c'est le juste milieu. Ni on exagère jusqu'à dire qu'on doit l'adorer et qu'il connaît des choses que seul Allah connaît, ni on dit que ce n'est pas un messager et qu'il est comme les autres. Non, le juste milieu. Abdullah wa Rasul. Le juste milieu entre les deux communautés des gens du livre. Les deux communautés des gens du livre. Certains tuaient les prophètes et d'autres disaient c'est Allah ou le fils d'Allah. Nous, on est dans le juste milieu. Tout comme Ahlus Sunnah est dans le juste milieu entre ceux qui ont de l'exagération du laxisme dans le din, l'islam est dans le juste milieu entre ceux qui ont tafrit et l'ifrat. Comme a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Puis il a dit qu'il adressait cette lettre à Hiraql Azim al-Rum. À qui? À Hiraql Azim al-Rum. Azim, c'est une éloge ou pas? Mais est-ce qu'il l'a annexé à lui-même ou aux musulmans? Non. Azim, c'est le grand de qui? L'empereur de qui? Al-Rum, il l'a annexé aux Romains. Ainsi, comme explique Ibn Sa'adi, on n'élève pas celui qui a été rabaissé par Allah Azza wa Jal parce qu'il n'a pas de tawhid ou de sunnah. On ne l'élève pas. Mais si on doit citer son rang, on l'annexe à ceux à qui il aura été annexé. Hiraql, c'est pas le grand des musulmans, c'est le grand de Rome. Donc le prophète alayhi sallam a dit il a Hiraql azim ar-Rum. Ça, il n'y a pas de mal. Dans ça, il n'y a pas de mal. Salamun ala man ittaba'a al-huda. Ça, c'est la manière de saluer si la personne n'est pas musulmane. Ou si tu rentres dans un endroit, tu ne sais pas. Ou peut-être c'est mélangé. Salamun ala man ittaba'a al-huda. Aussi un comportement dans l'écrit. Quand tu passes le salam à l'écrit, as-sunnah. Et l'habitude, c'est de faire ainsi. Le salam, au début, tu le mets nakira. Tu dis salamun alaykum. Si tu écris une lettre à quelqu'un, tu commences ta lettre, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, de la part d'un tel à un tel, tu dis salamun alaykum. Ou bien salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ou le salam, comme tu veux. Est-ce que vous suivez? Tu ne dis pas as-salam. Tu ne commences pas comme ça. Tu dis salamun. Sans L, sans l'article le. Est-ce que c'est compris? Puis quand tu finis la lettre, à la fin tu dis wassalamu alaykum. Est-ce que c'est compris? Quand tu finis la lettre, ça c'est un adab dans l'écrit. Ça c'est un adab dans l'écrit, contrairement à la parole, comme l'a expliqué Cheikh Saleh al-Sheikh dans certaines de ses conférences. Hafidahullah. Puis tu entres dans le vif du sujet, ça c'est un comportement. Quand tu viens pour faire une chose, tu remplis. Yani, tu vas droit au but. Et dans l'écrit aussi, tu vas droit au but. Il lui a dit, je t'appelle au message de l'islam. Et je t'appelle à te soumettre à Allah, seul d'un culte sincère. Aslim taslam, soumets-toi, convertis-toi, et tu seras en paix. Et Allah te donnera ta récompense deux fois. Et si tu te détournes, alors tu porteras le péché, ainsi que le péché de l'Arisiyyin. Et ça va en diverger dans l'explication de l'Arisiyyin. Une des paroles les plus retenues est de dire que c'est le fallahoun, comme a expliqué le Hafid ibn Hajar. Ce sont les paysans. Na'am, les paysans, c'est comment dire, les gens de la classe sociale faible et moyenne et pauvre. Et dans un des cours anciens, je ne sais pas si c'était au début de la silsila, j'avais mal traduit l'arisiyyin. Soit j'avais parlé de Hirakl en confondant avec el-Najashi, na'am, j'ai mélangé entre les Éthiopiens et les Romains, ou bien entre l'arisiyyin et un autre mot, l'hasil, j'ai fait une erreur, je ne me souviens plus laquelle. Puis il lui a cité le verset de Surat Ali Imran. Héracle, il dit en français Héraclius. Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. Quelle est cette parole commune entre nous et vous? La ilaha illallah. Et si on nous l'explique que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, que nous ne prenions point les uns à les autres pour Seigneur en dehors d'Allah, puis s'il tourne le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Ça, c'est le prêche qu'il faut adresser. Et c'est ce par quoi on commence à da'wah. Pas comme certains font, ils disent, on doit appeler d'abord au bon comportement, on doit appeler d'abord à telle ou telle chose. D'accord, si tu appelles à ça et à ça et à ça, est-ce que ça les sauve de l'enfer? Est-ce que leurs actions sont acceptées chez Allah? Non. Tant qu'ils n'ont pas de tawhid, c'est pas accepté chez Allah. Tant qu'ils n'ont pas de tawhid, ils ne sont pas sauvés chez Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque la lecture de la lettre se termina, les grands de l'assise de Héracle étaient présents. Et Héracle leur a dit, que pensez-vous si on le suit? Alors ils se sont sauvés. Mais Héracle avait ordonné à ce qu'on ferme les portes. Donc, il a dit à Dihya, tu vois la situation? Sache que ce que je vais dire, en gros, je dis avec mes mots, sache que ce que je vais dire n'est pas le contenu de mon cœur. En gros, je vais ruser. Il les a rappelés, leur a dit, non, en vérité, je voulais voir si vous êtes fermement accrochés à votre religion. Et j'ai vu que vous l'étiez en effet. Sachez que je suis resté sur ma religion et que je ne vais pas rentrer dans sa religion. Puis il a écrit une lettre au prophète alayhi sallam et lui a dit, inni muslim, je suis musulman. D'accord? Quand le prophète a reçu cette lettre, il a dit, kadaba adu Allah. Hein? Bal huwa ala nasrani. Mais il a voulu protéger ses richesses et son royaume. Héracle a essayé de tromper Dihya et de tromper le prophète alayhi sallam. Il a cru au message, il savait que c'était la vérité. Donc, il a appelé les gens de son assise et il a dit, fermez les portes. Il a dit aux gardes, fermez les portes. Il leur a dit, que pensez-vous si on rentre dans l'islam? Alors ils se sont sauvés. Ses proches, ils se sont sauvés. Naam. Et l'armée a commencé à venir pour se retourner contre lui. Et il a dit, non, en réalité, je voulais juste vous tester et voir si vous êtes fermement accroché à notre religion. Et c'est bon, j'ai vu que vous êtes fermement accroché à votre religion. Naam. Puis il a dit à Dihya, il a dit, je ruse avec eux, mais en vrai, je suis d'accord. Puis il a donné de l'argent, il lui a dit, rentre au prophète avec cette lettre-là. Dans la lettre, il y avait écrit, je suis musulman, et kada et kada. Mais en vrai, il a triché. Ce n'était pas un musulman. Allah Azzawajal a informé du contenu de son cœur. Naam, Allah a informé du contenu de son cœur, et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, kada ba'adullah. Naam, il a menti. Il a menti. Abu Sofyan, lorsqu'il a vu la scène, il a dit, il s'est étonné et a dit, l'ordre de Ibn Abi Kabsha a pris autant d'ampleur, à un point tel que Héracle le redoute désormais. Héracle le redoute. Ibn Kabsha, ou bien Ibn Abi Kabsha, les savants divergeaient sur qui était cette personne. Certains ont dit que c'est une personne du peuple de Quraysh qui a contredit Quraysh dans leur adoration. C'est-à-dire, eux adoraient les idoles, Allat al-Uzza et autres, mais lui adorait une étoile connue qui s'appelle Shi'ara. Naam. Et dans Suratu, c'est à la fin de quelle surah? Suratu al-Najm. Wa annahu rabbu Shi'ara. C'est dans quelle surah? Al-Najm. Naam, c'est une étoile qui est connue. Naam. Et lui, Abu Kabsha, il adorait cette étoile-là. Donc ils ne suivaient pas Quraysh dans leur culte. Et ça, c'est une preuve que Quraysh ont adoré plusieurs choses. Subhanallah. Certains parmi eux adoraient Allat al-Uzza, des pierres, des arbres. D'autres adoraient des prophètes et des messagers. Naam. D'autres adoraient des tombeaux et des saints. D'autres adoraient le soleil et la lune. Naam. Donc Abu Kabsha est une personne qui a contrôlé Quraysh. Donc eux, ils appelaient Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ibn Abi Kabsha. Pourquoi? Parce que lui aussi n'a pas suivi Quraysh dans l'adoration. Ça, c'est un avis. D'autres ont dit d'autres paroles. Certains ont dit que c'était un de ses grands-parents du côté de sa mère. Un de ses grands-parents du côté de sa mère. À la kulli hal, au final, Hérakl n'a pas embrassé l'islam. Il n'a pas embrassé l'islam et il a envoyé certaines choses au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a rusé pour pouvoir garder sa royauté. Astami' al-adhan. Donc au final, Abu Sufyan radiallahu anhu dit: lorsque je me suis trouvé dehors avec mes compagnons et que je me suis trouvé à l'écart avec eux, je leur ai dit l'affaire d'Ibn Abu Kabsha. Ibn Abi Kabsha a pris de l'importance. Voilà que le roi des Banu Asfar, c'est-à-dire Hirakl, le redoute. Et là, à la fin, une belle parole de Abu Sufyan, radiallahu an, dans laquelle il dit: par Allah, je suis demeuré humblement convaincu de sa cause, que sa cause prendrait le dessus jusqu'au moment où Allah a amené l'islam dans mon cœur, malgré ma répugnance. C'est-à-dire, de Abu Sufyan, en lui, savait que le prophète alayhi salam était sur la vérité et qu'Allah allait l'élever et lui donner la suprématie sur le reste. Jusqu'au moment où Allah azawajal fit entrer la guidée à l'islam dans son cœur. Alors que Abu Sufyan avait de l'aversion contre l'islam. C'est lui qui a participé à aux batailles, qui a vu ses parents décédés, puis a pris lui le pouvoir chez Quraysh, et a participé aux batailles contre le prophète alayhi salatu wasalam, comme dans la bataille de Uhud et autres. Mais au final, celui qu'Allah veut guider, na'am, celui qu'Allah veut guider, ashrah sadrahu lil islam. Na'am, il apaise sa poitrine sur l'islam, et alhamdulillah, par la suite, Abu Sufyan s'est converti. On voit dans cette histoire un point très important, c'est que hubbur ri'asa, le fait d'aimer le pouvoir, ça peut anéantir la personne. Hérakl savait que c'était la vérité. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas entré en islam? De peur de perdre la royauté et le pouvoir. Alors que Najashi a cru en Allah, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah Azza wa Jal a maintenu sa royauté. Naam. Quant à Kisra, il a détesté cette affaire pour la dunya. Allah Azza wa Jal lui a retiré cette affaire et la dunya. Donc celui qui se soumet à Allah, il ne faut pas qu'il pense qu'il va perdre le khair qu'il a et la dunya qu'il a. Au contraire, Allah va bénir sa dunya. Parmi les lettres que le prophète alayhi salatu wassalam a écrit ou a envoyé, il y a la lettre qu'il envoya à Al-Muqawqis. Naam. Malik Al-Iskandiriya. Ils disent qu'il se prénommait Juraïj ibn Mina. Juraïj ibn Mina. Azim al-Qubd. Donc il lui envoya une lettre. Et l'émissaire, le messager du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'était Hatib. Hatib ibn Abi Balta'a. Ibn Abi Balta'a. Radiallahu anhu. Al-Muqawqis a bien accueilli Hatib. Et il l'a honoré. Et il l'a. Mada, il l'a logé dans un endroit. Puis il l'a fait venir après avoir réuni ses compagnons. Il a respecté l'écrit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a respecté les cris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a convoqué par la suite Hatib et il lui a posé des questions. Et il lui a dit, ton compagnon là, tu prétends que c'est un prophète? Il lui a dit, oui, c'est le messager d'Allah. Hatib lui a répondu, c'est le messager d'Allah. Ou c'est le prophète d'Allah. Al-Muqawqis lui a dit, si c'est le messager d'Allah, comment se fait-il que Quraysh, les gens de ton peuple, comment se fait-il que les gens de ton peuple l'ont banni, lui ont fait, et que lui n'a pas fait de dua pour qu'Allah les anéantisse? Si c'est le messager d'Allah, pourquoi il s'est retrouvé dans cette situation? Et Hatib, radiallahu anhu, a fait preuve d'énormément d'intelligence. C'est pour cela que celui qu'il faut envoyer et celui qui doit prêcher, il doit être intelligent et savoir réfuter les ambiguïtés. Comme le prophète sallam a envoyé qui au Yémen? Mu'ad, parce qu'il était savant. Pas comme des gens au jour d'aujourd'hui, ils disent on va 4 mois là-bas, 4 mois là-bas, ils n'ont pas étudié, pour la plupart d'entre eux, ils ne connaissent pas le tawhid ou le sunnah, et ils se lèvent et font da'wah. Adama yasluh, adama yamshi hada. Na'am, hadhihi da'wa batila, fashila. Surtout si tu n'appelles pas au tawhid, tawhid al-uluhiyya bit tafsil, tahdhir min ash-shirk bit tafsil. Ça c'est une da'wa fashila, batila, comme le disent les ulama. Na'am. Qu'a répondu Hatib ibn Abi Balta'a à cette ambiguïté? Il lui a dit, ô toi, yani le gouverneur, est-ce que dis-tu de Isa ibn Maryam? Est-ce que tu dis pas toi que c'est un prophète? Il lui a dit, si. Moi j'atteste que Isa c'est le messager d'Allah. Il lui a dit, comment se fait-il que ses compagnons, ou que les gens de son peuple, ils l'ont attrapé, ils lui ont fait du mal, et ils ont essayé de le crucifier, et il n'a pas levé les mains pour qu'Allah anéantisse son peuple? Le Muqawqis s'est tu. Il lui a dit, Anta Hakim. Il lui a dit, toi tu es sage. Hein? Il lui a dit, toi tu es sage. Et celui qui t'envoie. Naam, ça c'est un rad. Yani, qawi jiddan. Sahulala. Ça c'est une réponse qui est très très forte et très intelligente. Il lui a pas parlé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lui il n'y croit pas. Mais il est revenu à sa base, celle sur laquelle ils sont d'accord. Laquelle? Que Isa Abdullah wa Rasoulou. Et il lui a dit, n'est-ce pas que Isa c'est un prophète, un messager, tu y crois ou pas? Il lui a dit, ben là, c'est le messager d'Allah. Et il lui a dit, ben comment se fait-il qu'ils l'ont attrapé, lui ont fait du mal, ils ont essayé de le crucifier, mais Allah l'a élevé au ciel de ce bas monde auprès de lui, et il l'a préservé. Pourtant Isa n'a pas levé les mains, il n'a pas demandé à Allah à ce qu'il anéantisse son peuple. Là, il n'a pas réussi à répondre à Al-Muqawqis. Il s'est tué et lui a dit, Anta rajulun hakim, tu es un homme sage. Puis il a réuni des cadeaux et il les a fait porter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces cadeaux, un âne qui s'appelait Ufayr. Il l'a offert au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a offert de l'argent, il lui a offert des cadeaux de certaines valeurs et il lui a envoyé deux servantes, Maria et sa sœur. Maria et sa sœur qui s'appelait comment? Comment s'appelait la sœur de Maria? Maria c'est la mère de qui? Ibrahim alayhi salam. Prophète a pris Maria pour lui et elle enfanta Ibrahim, le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est décédé en bas âge, vers un an et demi. Sa sœur s'appelait Sirine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donné à Hassan ibn Thabit. Naam, elle enfanta de lui Abdurrahman. Est-ce que le Muqawqis s'est converti à l'islam ou pas? Non. Il a respecté les cris du prophète alayhi salatu wassalam, mais il ne s'est pas converti à l'islam. Il y a d'autres lettres que le prophète alayhi salatu wassalam a envoyées. Beaucoup se sont convertis à l'islam. D'autres ont respecté les cris du prophète alayhi salatu wassalam, et d'autres ne l'ont pas respecté, comme Kisra, qu'Allah Azza wa Jal a avili et humilié. Parmi ceux qui ont le plus mal agi, Musaylama al-Kadhab. Il a écrit une lettre au prophète alayhi wasallam et il a dit, de la part de Musaylama, le messager d'Allah, à Muhammad, le messager d'Allah, c'est-à-dire moi et toi on est deux messagers et on va se partager, on doit partager, toi tu vas gouverner tel endroit, moi je vais gouverner tel endroit. Mais les gens de Quraysh sont des gens qui transgressent. Naam. Un homme a dit à Musaylama, tu sais très bien que je sais que tu es un menteur. Hein? Ça n'était pas un messager, c'était un grand menteur. Et